16. Dans la place, des Alicia Keys, y'en a un paquet, y'en a par 10. Par 10, et comme ça, y'en a 10. Moi, la quiche parle à la miss, la langue dans son oreille. Elle m'écoute car mon haleine sent l'oseille. Reste pas debout, j'ai la taille boue, mais oui, j'suis ton bichon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bout de nichon? Traverse la piste comme Michael dans Billie Jean. Allume les dalles, les Usher, j'élimine. Danse peu, smandou les petits pas, me montre pas du doigt. Si, si, c'est bien moi, les négros 10 et les bicots. Mon équipe a du style, joue au foot en Prada. 2 heures que je suis là, j'ai fini de check tout le monde. Des bières, j'en veux une brune et tes copines une blonde. T'as le droit d'y rester dans toi. Y'a de la meuf à pur DJ. Pas d'identité, où que tu sois. La vie n'est pas qu'une cité. Donc tu restes vrai jusqu'au bout. Jusqu'à rien, il me laisse pas. Fais-toi belle ce soir, tu sors avec César et Trésor. On est monté sur starting block, c'est jour de paix, soit on sort du bloc. Rien que des picots et des plaques et du 7-8 sur les plaques, cousin. Les coupes combinées et les boules à Z. Whisky joint I, cousin, laisse tomber le double Z. Trop large dans les dépenses, un plein à la station essence. Des baskets dans le coffre et si ça boum, on suivra la cadence. J'achète pas de danse, le dos en direction du ciel. Check j'enchaîne, donne le style gangsta à l'ancienne. C'est la marron du 7-8 comme braque. Grosse frappe et arnaque, doublette et jeux de frappe. Là, j'suis dans le carré VIP, une coupe à la main. J'lâche pas, bang bang, tout le monde lève la main. On claque les billets, on vient tout piller. Tous mes sauces dans la salle sont éparpillées. On se retrouve sur la piste quand y'a du groove. C'est le spull, mais tout le monde approuve quand nous on prouve. T'as le droit d'y rester, y'a des temps toi. Y'a de la meuf en plus DJ. Pas d'identité, où que tu sois. La vie c'est pas qu'une cité. Donc tu laisses le bout jusqu'au bout. Jusqu'à rien, il me laisse pas. Fais-toi belle ce soir, tu sors avec César et Trésor. Depuis la tour, avec Tarek et Moulay depuis la cour. Maintenant les friends Z claquent, elles ont grandi. Plus que du rimmel dans leur sac, pardi. Une coupe de champ, un black, un brandy, un Bacardi. Elles dansent autour de ma table de bandit. Amorti tes 15 euros si tu les as mis. Elles aiment que des gens leur payent et surtout les amis. C'est l'escadrille, la famille. On sait de quoi on cause, Trésor et César jusqu'à l'overdose. Cousin, pas de chance pour toi, toute la nuit t'es resté assis. On a foutu le feu sur leur naïf, Benny Benassi. Sous les spotlights, du cognac dans mon coca light. Déstabilisé parce que je pouvais pas venir en survêt night. Je traverse la piste, le DJ crie mon blast dans le mic. Spécial pour Trésor. Tu bosses la scène et du red light. C'est la même de la boîte au hall et du hall à la boîte. Chacun joue son rôle, le terrain on le contrôle. Fais-toi belle ce soir, tu sors avec César et Trésor. C'est l'époque tatou et bebop. J'avais pas que je serais un membre actif de ce foutu hip hop. Les années passent, les premiers 10 sortent. Je pensais pas que. Allô, allô, poto, bien ou quoi? Ouais, ça va et toi? Wesh, ça fait quoi? Oh, chi, on est là. Hein. Bah, vas-y, y'a un bête de film qui vient de sortir là. Sur la vie de deux mecs là en parallèle. Un truc de ouf. Ouais. Vas-y, je vais passer te péter dans 5 minutes. T'es OP ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. Bah, vas-y, à tout de suite. Vas-y, tout de suite.